تمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره مكتفى ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب لين الكلام لوالديه Il va nous évoquer, rahimahallahu ta'ala, l'imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, le chapitre relatif au fait d'être doux envers nos parents. Lin al-kalam, c'est-à-dire de prononcer des paroles douces, de ne pas élever la voix en face de ses parents, et kadhalika sur ses parents. Ne pas élever la voix à côté des parents, car yani, il se peut que tu les gênes, et kadhalika ne, et ça c'est encore pire, d'élever la voix sur eux. Comme on a pu voir dans le kitab Tawhid, wala taqul lahuma uff. Allah a évoqué que, on ne peut se permettre de dire ouf à nos parents. Et il faut dire des bonnes paroles. كما قال جل وعلا وقل لهما قولا كريما. Et avise-leur des belles paroles, des paroles douces, pleines de douceur. فلابد من d'avoir de la douceur envers nos parents. Comme ils ont été doux avec nous lors de notre l'asiyama, lorsqu'on est sorti du ventre de nos mères. Et ils ont fait preuve de, avec nous, d'une douceur, yani, qui n'a pas d'équivalent. D'une douceur qui n'a pas d'équivalent. Ils se sont préoccupés de nous, occupés de nous. Hal jaza l'ihsan illa l'ihsan. Hal jaza l'ihsan illa l'ihsan. On se doit d'être reconnaissant envers ce bienfait que nos parents ont eu envers nous, à savoir d'être doux. Ça fait partie de l'ihsan. L'ihsan, comme on a pu voir, bir al-walidain, la bienfaisance envers les parents, qu'elle soit par les paroles ou bien par les actes. Ou kadhalika par la situation. Lorsqu'il est devant eux, tu vois, il se doit d'observer une bonne posture. Pas une posture qui les énerve ou une posture qui en dit long, yani, sur le fait qu'ils ne la respectent pas. Kadhalika fil hal. L'ihsan, c'est dans ces trois choses-là. Fa'ana, il a khassa, il a spécifié l'ihsan qui est qawli. C'est-à-dire celui qui est par la parole. Tam. قال عن طيسرة ابن مياس رحمه الله تعالى سلم طيسرة ابن مياس قال كنت مع النجدات النجدات هي انفرقة parmi فرق الخوارج انفرقة parmi les فرق الخوارج c'est l'atba de Najda ibn Amir al-Hanafi fait se sont infilés à cette personne là et ça nous montre yani que c'est من البدع والمحدثات. Car il commence à filer à une personne qui est venue après le prophète, alayhi wa sallam, et prétend que tu es sur la bonne guidée. قال الله سبحانه وتعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار. Donc le fait de s'affilier à une personne, en particulier, c'est d'agréer sur soi-même l'égarement. Parce que cette personne-là est remplie de péchés, est remplie de défauts, est remplie d'erreurs. كما قال بعدهم لا تظن أنك صالحا إنما أنت مستور. Ne pense pas que tu es pieux, sache qu'Allah ne te dévoile pas. Le fait de s'affilier à ce genre de personnes là, fait le haqqa, c'est d'agréer qu'on est égaré. C'est de dire sur nous-mêmes, on est des égarés. Haoula, il s'était affilié à Najda ibn Amir al-Hanafi, qui est, yani, fait le haqqa, il fait partie d'un khawarij. Lakin, là, ils ont certains usuls, les fondements qui divergent. Enfin, al-khawarij, c'est une secte dans laquelle tu retrouves plusieurs sectes. Minhum, al-Najdiya. Najada, c'est le pluriel de Najdiya. Parmi leurs paroles dégarées, ils disent que Ashab al-Kabir, c'est un kuffar. Celui qui commet un grand péché, c'est un kafir. Excepté ceux qui font partie de leur groupe. Ceux qui font partie de leur groupe, s'ils font une kabir, ça ne les fait pas sortir de l'islam. Ils font penser un peu aux Yahoud. Ils se sont proclamés les gens du Jannah. Et kazalika, min dalalatihim, ils disent que celui qui s'entête sur un petit péché, c'est un kafir. Celui qui s'entête sur un petit péché, c'est un kafir. Fa'oulahoum al-Najdat, al-Najdiya. Et ça, tu retrouves ces paroles-là dans Moussou' al-Mufassala fil Adyan, l'encyclopédie concernant les Adyan et les Firaq. Ils ont évoqué, yani, dans le Khawarij, hadi al-Firqa al-Dalla. Fa'kana huwa minhum. Wa min. فضل الله عز وجل على العبد كالله سبحانه وتعالى دي ses premiers pas dans l'islam qui lui facilite un alim ou bien un groupe min ahl sunnah. Certains des salafs, ils ont évoqué ça, ça fait partie min sa'adat al-akh, min sa'adat al-insan. Ça fait partie de sa félicité, de son bonheur, que dès les premiers jours qu'Allah Azza wa Jalla lui a mis l'islam dans le cœur, qu'il soit confronté et qu'il fréquente les gens de la sunnah. Parce que fil haqiqa, une fois que tu les as fréquentés, c'est vraiment rare, il y en a, de trouver une personne qui va, après avoir goûté la sunnah, retourner yani, vers une firqa qui est autre, comme tablir, ceci, cela. Après que la science lui soit parvenue, il peut tomber dans la dunya, il y en a fitnatul dunya, fitnatul shahawat, tam. Amma fitnatul shubuhat, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Naam. قال كنت مع النجدات قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. Pourquoi? Parce qu'ils ont du rouleau. Ils ont de l'exagération, ces personnes-là. Comme on a pu le voir. Celui qui fait des petits péchés qui s'entêtent dessus, c'est un kafir billah. Donc pour eux, celui qui fait juste un petit péché, c'est une kabair. C'est une kabair. Ils ont une exagération. C'est sûr que désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est grave. Hier, yani, kunna natadhakkar dhalika, on se rappelait cette parole-là, parole d'Allah Azza wa Jal. La hawla wa la quwwata illa billah. Qui te montre que tu ne peux faire un mouvement excepté si Allah le veut. Donc ça montre qu'il y a ta faiblesse et ton impotence. Tu ne peux rien faire sans Allah Azza wa Jal. Thumma, si jamais on prend ces membres-là, on les assujettis dans la marsiya, ça fait le haqiqa, c'est grave. Tu peux faire deux mouvements que si Allah le veut. Et en plus, Allah Azza wa Jal te donne cette faveur de pouvoir bouger, d'avoir des mouvements pour l'adorer, et toi tu l'utilises dans al-marsiya. C'est honteux, yani, c'est grave. Fait le haqiqa, yani, lorsque tu médites sur le péché, tu médites yani, sur à qui tu es en train de désobéir, fait le haqiqa, comme nous ont dit certains des ulama, il n'y a pas de petit péché. Dans le sens où c'est une honte, yani, c'est grave. C'est une honte et c'est grave de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ils ont eu un relou. Des fois, il y en a même bab ta'zim, ils veulent glorifier Allah azza wa jal. Lakin, ils dépassent. Comme on a pu voir celui qui avait une rira. Qu'est-ce qu'il a fait, l'a tué? Fait exagération. Donc là, ça montre aussi le bien. Et ça, c'est min tawfiqillah. T'es égaré, lakin, Allah Azza wa Jal te veut du bien. Il te ramène vers les gens de la sunnah. Et surtout vers un alim. Parce qu'il aurait pu poser la question à un abid. Et l'abid, il peut faire des dégâts. Comme on a pu voir avec la qissa de celui qui a tué les 100 personnes. Ceux qui étaient abid, le dévoué, il lui a dit non, t'as pas de tawba. Lakin, du point de vue juridique, est-ce qu'il n'avait pas droit à une tawba? Si, il avait droit à une tawba. Fa akhta'a qatala. Allah Azza wa Jalla lui a waffaqi. En plus, c'est Ibn Umar. C'est pas n'importe qui parmi les Sahara. Qala fa dhakartu dhalika li Ibn Umar. Parce que ça le tracassait. Il n'était pas sûr. Qala fa dhakartu dhalika li Ibn Umar. Qala mahi. Citez-moi, il se peut que tu as raison. Qala qultu kada wa kada. Il ne l'a pas cité. Mimbab wallahu a'lam mimbab al-sitr. Il a voulu le préserver là. L'honneur de son frère. De ne pas dire, voilà, j'ai fait ceci et cela comme péché. Il a voulu préserver l'honneur de son frère. Wallahu a'lam. Qala laysat hadhihi min al-kaba'ir. Ce que tu viens d'évoquer ne fait pas partie des kaba'ir. Al-kabira, il faut savoir que, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, rahimahallahu ta'ala, c'est ma dhukira fi dhalika al-haddain. C'est celle dont on va évoquer deux sentences. C'est celle dans laquelle va être évoquée deux sentences. Haddain. Haddun fi dunya. Et parmi ceux-là, que Allah Azza wa Jal maudit ces personnes qui font cela. Wa haddun fil akhirah, qu'il aura un châtiment avidissant, yawm al-qiyamah, douloureux il akhiri. Enfin, si jamais tu vois un péché sur lequel il est évoqué, une sentence dans la vie d'ici-bas, comme, mathalan, une insulte qui vole, on lui coupe la main, celui qui fait la zina, on doit le lapider, tamam. Enfin, ça, ces sentences-là, ça nous montre que ce péché-là, ça fait partie des kaba'ir. Ma dhukara fihi al-haddan. Haddun fi dunya, parmi les qisas, parmi les sentences. Et kathalika, et qu'Allah Azza wa Jal, celui qui fait ça, il sera maudit dans la vie d'ici bas. Mathan la'ala Allahu al-musawwirin. Fahada, ça nous montre que c'est un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il y a une sentence, une grave sentence qui a été évoquée, qui est quoi? La'na. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fi dunya, et kathalika fi l'ukhara, les deux. Enfin, c'est un dhabit qui nous permet de pouvoir différencier entre la saghira et la kabira. Donc si jamais tu connais le had de la kabira, fais tout ce qui est en dehors de la kabira, c'est une saghira. Donc il est plus simple de connaître le had de la kabira, en dehors de cela, c'est une saghira. فذلك قال الشيخ الإسلام الصغيرة ما لم يذكر في ذلك الحدان. La saghira c'est celle dont les deux sentences, les lourdes sentences ne sont pas évoquées, يعني à la fin de ces péchés-là. هذه هي الكبيرة. هذه هي الكبيرة. نعم. قال هي تسع. أي والله أعلم تسع لعل ce qu'il a voulu par là من باب الاختصار. تمام. لأن المقام لا يقتضي ذلك يعني il ne pouvait pas tous les citer. Ou peut-être que c'était les neuf qui lui sont venus à l'esprit. Ou alors, il y en a les neuf plus graves. Comme l'a dit le prophète, مثلا, a dit, اجتنبوا السبع المبيقات. Écartez-vous des sept, il y en a choses qui vont vous mettre au péril. Fahawana, il y en a, il a voulu évoquer celles qui étaient les, selon son ijtihad, les plus graves auprès d'Allah Azza wa Jal. Ou il a, Al-Kabira, comme a dit Ibn Abbas, et ça a été authentifié, rapporté par Abdurrazzaq fil Musannaf, قال هي الى 70 اقرب. Le nombre des kabira sont plus proches du nombre de 70. Et fi ba'd ar-riwaya ila 700 aqrab. Le nombre des kabira sont plus proches d'être au nombre de 700. Fiya hiya kathira jiddan. Kathira jiddan, les ulama ils ont des musannafat fi dhalika, ka Imam al-Dhahabi wa kadhalika Imam ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الى كتاب الكبائر نعم فكثيره هي معرفه الكبائر سي مهم جدا باسكو النبي سمي دي هؤلاء سي موبقات اي سي كبيره سي ان رامبار entre nous et l'expiation des péchés donc c'est important de les connaître. قال هنا تسع قال الشرك بالله ولا الشك ولا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر الشرك بالله le fait d'associer Allah عز وجل. Et là, ce qui est voulu ici, dans l'Ishraq, c'est les deux. Ishraq al-Akbar ou l'Ishraq al-Ashar. Les deux. Al-Ishraq billah. Les deux associations, ça fait partie des grands péchés. قال وقتل نسمة. النسمة بمعنى قتل النفس. وقال سبحانه وتعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. Allah Azza wa Jalla va vraiment châtier cette personne-là qui va mourir en ayant ce fardeau-là sur le dos, d'avoir tué son frère. فقتل الناس هذا لا يجوز. Et ça fait partie des grandes kabires. Ça fait partie des grandes kabires. قال والفرار من الزحف. Et lorsqu'il est en face du عدو. فهذا لا بد له من الثبات. Il se doit de faire preuve de ثبات et de courage. De rester face à l'ennemi. Ça c'est si jamais l'ennemi, ils sont... au minimum deux fois plus que eux. Si au minimum ils sont deux fois plus que eux, il se doit de patienter, de rester face à l'ennemi. Ah, mais si jamais ils sont beaucoup plus nombreux que cela, fahawna yani yaluz lahum firar. Al-muhim, al-zahf, al-tawali yawm al-zahf, hada kadhalik, ça fait partie des grands péchés. Allah Azza wa Jalla a évoqué dans surat al-Anfal. Qal wa qadfu al-muhsanat. Al-muhsanat, c'est-à-dire al-hafifat, les chastes. Tu les accuses injustement. Comment ? Diffamer, ouais. de les accuser de le fahisha, tu vois, alors que à son chaste, c'est-à-dire que on ne connaît pas de ces personnes-là, c'est pas des aniettes, elles ne sont pas connues pour ce péché-là. Et toi, tu diffames et tu les accuses de cette chose-là. Fahada la yajouz. Fahada la yajouz. Wa kulla mu'mina mastura li hafifa. Tout mu'mina dont on ne connaît pas que ça donne à cette fahisha-là, c'est une hafifa. Parce qu'il voulait ici, qadf al-muhsanat, c'est-à-dire al-mu'mina. Celle qui n'est pas connue comme étant une zania. Ama la zania, elle peut que se plaindre à soi-même, si jamais les gens lui disent, t'as fait ceci et cela, parce que aslam, yani, tu fais ce genre de choses-là, donc, on est sur la base que tu fais ce genre de choses-là. Ama celle qui ne fait pas ces choses-là, non. Ça fait partie des grands péchés. Qadf al-muhsanat. Qala wa aklu al-riba. Ma'ruf, Allah Azza wa Jalla l'a promis de faire la guerre à celui qui mange le riba. فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est foutu. En plus, ça, c'est une guerre. Donc là, si jamais يُحَارِبُك سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَكَيْفَ. قَالَ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ. Manger l'argent des orphelins. Parce que si jamais la personne, elle est dans la suffisance. Et il mange. قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا. إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. Ces personnes-là mangent une braise. Toute pièce, toute franc, tout franc, tout billet qui mange, c'est de la braise, c'est de l'enfer qui mange. C'est du feu qui est en train de manger. Donc ça manque, ça fait partie des grands péchés. Il est venu dans le hadith, dans As-Sab'u Mubiqat, que Akl al-Mal al-Yatim, ça fait partie des grands péchés. Ça, c'est si jamais la personne allait dans la suffisance. Amma, celui qui est dans la nécessité et qui a pris en charge un orphelin et se trouve dans la difficulté à certains moments, fait à la base, qu'il m'a dit subhanahu wa ta'ala, annahu ya'kul bil ma'ruf. Qu'il mange un aide dans le convenable. قال والحاد في المسجد. الحاد, c'est-à-dire la déviance. الحاد, c'est-à-dire la déviance. C'est pour ça que dans la tombe, le rite qu'ont les musulmans dans la manière d'enterrer, lorsqu'on creuse, ensuite on s'écarte de l'endroit où on a creusé, ça s'appelle l'ahd. Parce qu'on a dévié. On est parti sur un côté. فهنا كذلك الحاد, c'est-à-dire une déviance. قال العلماء, certains ont dit c'est le péché mutlaqan. Et les masajid, ils ont une hurma, ils ont un statut, une valeur auprès d'Allah Azzawajal. Dans le hadith, Allah dit, ou le prophète Ali, il dit que les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azzawajal, ce sont les masajid. Ce sont des lieux saints. Et hada, il y en a dans ce lieu saint qui est un lieu de recueil et d'ibada, il fait l'albida'a fi. Dans le haqiqa, ahlul bida'a, tablir et autres, dans le haqiqa, subhanallah, yani, lorsqu'ils rentrent dans les masajid, c'est ilhad fi. Il y en a hâte à se mener le ma'asri, l'arbayan, tout ce qui est le bidar al-muhdasat qu'ils font. Et ça fait partie des grands péchés qu'Allah n'aime pas. Ils pensent se rapprocher d'Allah, c'est pour ça que la bidar est dangereuse. La personne, il pense que c'est du bien, ceci, cela, il ne voit pas de mal dans cela, il ne pense pas que c'est un zulm. Mais c'est un zulm ma'a sunna. Un zulm avec le suivi du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est prétendre que tu as une perception de l'islam qui est meilleure que celle du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est très grave. Et le has, ça, c'est la déviance, c'est de commettre le péché. Certains ont dit c'est le zulm, l'injustice. Certains ont dit c'est le fait de yasud an sabilillah, c'est-à-dire il empêche les gens de pouvoir pénétrer dans les masajid. Ila khiri mimma dhakaro. Pardon, ils ont dit c'est le fait de détruire les masajid. Enfin, tout ça, ça rentre dedans. Le haqiqa, c'est la marsia, comme l'a évoqué Ibn Jawzi. Ils ont évoqué beaucoup de paroles. La kien al-lahd, l'uratan, c'est quoi? C'est le mail, c'est la déviance. Qala waladhi yastakhir, celui qui se moque. Qui se moque de ses frères. يستخر من الناس هذا لا يجوز. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. Il est interdit de se moquer. قال سبحانه وتعالى ذلك قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Et quel bien mauvais nom la perversité après la foi. C'est honteux يعني pour cette personne-là qu'il soit qualifié par les critères de الفسوق, la perversité. Enfin, se moquer de son frère, c'est de la perversité. Allah Azza wa Jalla yaqul wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah Azza wa Jalla, il nous montre qu'à travers sa création, il nous montre ses signes, il nous montre sa puissance, subhanahu wa ta'ala, il nous montre son unicité. Et nous, on prend ces signes-là comme moquerie. On prend ces signes-là comme moquerie, on se moque du physique de son frère, il n'aime pas cela. Parce que des fois, on plaisante, ça lui fait pas de mal. Lakin, il n'aime pas cela et tu le gênes. Tu te moques de sa couleur de peau, tu te moques de ses origines. Enfin, c'est très grave. Allah Azzawajal a, à travers notre création, il a mis un signe évident qui montre sa puissance. Et nous, on se moque de ce signe-là. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Et ne prenez pas les signes d'Allah. Et ça rentre dedans les ayahs. Qu'on a pu voir, les ayahs se divisent en deux. Ayat al-kouniya, ayat al-ashariya. Ayat al-ashariya, c'est le din. والآية الكونية هي الكرياسيون ومن آياته خلق السماء والأرض ومن آياته الشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. C'est des signes qui montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite on se permet de plaisanter sur eux et de les gêner, se moquer d'eux. Ça fait partie du tahqir. بحسب مرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Il suffit pour qualifier une personne en mal sans regarder les autres péchés qu'il fait, le fait qu'il méprise les autres. Le mépris, c'est un grand péché. Et al-sukhriya, ça fait partie du mépris. Wa qala subhanahu wa ta'ala wallatheena yu'dhoona al-mu'minina wal-mu'minat bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubeena. Et ceux qui se moquent de leurs frères, wallatheena yu'dhoona al-mu'minina wal-mu'minat, ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes, bighayri ma iktasabu, sans excuses pour cela, faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubeena. Parce que tu peux nuire à ton frère, mais celui qui a volé, tu vas le couper la main, ça va être une nuisance pour lui. Lakin al-an, c'est bimaktasaba. Ça, c'est ses mains qui ont acquis ce péché-là. Donc là, même si jamais c'est une nuisance, lakin istahaqqa dhalika. Amma biduni dhalik, tu le nuis alors que il ne mérite pas cela, fahada c'est grave. On se rappelle de la parole de certains sahaba qui, lorsqu'ils regardaient la Kaaba, ils disaient ma a'zamaki, qu'est-ce que tu es grande, qu'est-ce que tu es immense. Wa a'zama hurmatuki, et ton droit auprès d'Allah azza wa jalla est immense. قال ولكن حرمه المسلم اكبر عند الله منك. لكن le droit du musulman, il est plus sacré que toi auprès d'Allah azza wa jalla. الان personne qui dit de la Kaaba, yani il se moque de la Kaaba. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est le kufr direct. Ils vont dire c'est un monafir, c'est un kafir, c'est un ceci et cela. Donc que dire, Nani, lorsque tu te moques de ton frère, c'est beaucoup plus grand auprès d'Allah Azza wa Jalla. Al-Kaaba, elle ne fait pas sujoud. Elle ne fait pas ruku'. Elle ne fait pas le hajj, elle ne fait pas siyam. Qala wa bukal walidain min al-uquq. Le fait que tu fasses pleurer tes parents, min al-uquq, c'est-à-dire tu les attristes. Parce que tu peux lui faire une mu'idha, ta mère. Tu leur apportes une belle parole. Tu l'exhortes. Elle pleure min khashyatillah. C'est pour ça qu'il a dit min al-uquq. Amma bukal walidain min al-khashya, hada c'est louable. Que tu fasses pleurer tes parents et ils pleurent par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Hada jayyid. Lakin que tu les fasses pleurer parce que tu les as attristés, parce que tu les as insultés, parce que tu les as frappés, parce que tu les as volés, tu leur as manqué de respect, fa hada fil haqiqa, c'est une chose qui est énorme. Azim jiddan. Azimun jiddan. Qala ibn Umar, atafraqu an-nar wa tuhibbu an tadkhul al-jannah? Crains-tu l'enfer et désires-tu entrer au paradis? Toute personne va dire oui. Qala i wallah. I c'est min bab at-tahqiq, bima'na na'am. Lakin c'est min bab at-tahqiq avec c'est l'affirmation que tu vas utiliser après le ou avant le serment. Kama qala subhan i wa rabbi. I wa rabbi. Tu ramènes i ensuite tu jures. Na'am. Qala i wallah. Qala ahayy waliduk? Qultu 'indi ummi. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Il lui a demandé est-ce que tes parents, est-ce que ton père est vivant? فقال non, لكن ma mère est vivante. Il a dit par Allah, si tu lui parles gentiment, tu lui évoques, tu lui avises des paroles douces et que tu la nourris, tu rentreras au paradis à partir du moment que tu auras évité les grands péchés. Comme on a pu voir, les grands péchés, c'est un rempart entre nous et l'expression des péchés. Enfin, ça nous montre, yani, jaza, la récompense qu'il y a à travers le fait d'être doux envers nos parents. D'aviser envers nos parents une parole qui est douce. C'est clair, Renat. La yadkhulan al-jannah, parce que ça fait partie de l'ihsan. Al-an, on dit pas, ni, c'est un effort de l'ijtihad, il a interprété ceci, cela. Non, parce que al-ihsan, c'est grand, c'est large. Ça rend dedans beaucoup de choses, tout bien. Et parmi cela, le fait que tu dises des bonnes paroles, bel Allah, il a dit. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَانِمْ. Dis-leur des paroles honoreuses, gentilles, ladhidha. C'est un hadith qui est azim, plutôt c'est un athar qui est azim. Tout ce qui a été évoqué dedans, on le retrouve dans la sunnah. On le retrouve dans la sunnah. Donc là, ça nous demande, inshallah, d'appliquer ce hadith-là et de vraies conséquences et surtout d'espérer la récompense derrière cela. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياك بما سمعنا إلا الأثر إلا صحيحه